J'ai des arcs. Ouais, ouais, Donzo, hey. J'ai des arcs dans le son. Je vais pas me faire que des amis. C'est clair. Toc toc, qui est là, Donzo, sur le patapore du rap. C'est pour les potes et pour tous ceux qui réclament du rap. J'ai rien à perdre dans ma vie, y'a tout à faire. Oui, oui. Nouvelle tactique, dans un amant, j'fais tout à fond. Ouais, ouais. Et j'sais déjà que je vais déranger, voilà c'est dit. Ils m'enterront aussi souvent que je me fais rayer des acédiques. Y'a le pora qui me fait oh oh, j'entendais à peine, je réponds à l'appel. Le rappeur va t'enterrer, je te passe l'appel. J'sais déjà que les puristes vont kiffer pour le principe. J'sais aussi que les jaloux sont proportionnels aux ventes de disques. Et j'sais qu'y'a rien à faire pour qu'ils changent d'avis. Sur le pora, sur la jeunesse, sur ma genèse et sur ma vie. J'sais qu'il va y avoir beaucoup de nanani, nanana. Mais oui, causer pendant qu'on mic, je pompe des bababales. Donzo, rappeur velu sur texte, toujours à Watt. Rap FR, plat de résistance, je vais le bouffer jusqu'à la moelle. J'sais déjà qu'ils vont dire ce mec, c'est pas chanté. Je laisse parler pour un coup à leur santé. J'sais déjà pas mal de choses, mais en fait, j'ai rien. Sûr d'être sûr de rien, faudra que je sois mort pour être serein. J'sais déjà qu'ils vont dire ce mec, c'est pas chanté. Je laisse parler pour un coup à leur santé. J'sais déjà pas mal de choses, mais en fait, j'ai rien. Sûr d'être sûr de rien, faudra que je sois mort pour être serein. J'sais déjà qu'on va me dire, c'est bien, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'leur dis ok, ouais, ouais, mais non, merci. J'ai déjà qui vont dire, mais c'est quoi ce son à l'ancienne? Je le prends comme un compliment quand tu sais qu'on me traite d'ancêtre. Donny, Donzo, ni aux ordres, ni rentré dans les ordres. Depuis tout petit, je suis pareil, je fonce et je fais tout dans le désordre. Mais j'ai déjà qui vont me trouver un peu bizarre. Pour faire de pizza, je marche en zigzag, la tête dans le bizarre. J'ai déjà que je fais la misère, ouais, mais je me fais plaisir. Je baisais du faux MC, si ça paie, j'aurais ma baraque aussi. Et j'ai déjà que je cause trop, que je pose trop vite pour eux. Rime poreuse, et si mon verre est plein, ben c'est le vide pour eux. Des chances que ça marche, y'en a pas une sur un million. Mais bon, je tente le coup. Je m'attends un peu à tout dans ce milieu. Millionnaire, je le suis déjà, de moi et de rime. Hybride du pire et du meilleur, j'ai pris le mic pour pas finir aigri. J'sais déjà qu'ils vont dire ce mec c'est pas chanté. Je laisse parler pour un coup à leur santé. J'sais déjà pas mal de choses, mais en fait j'ai rien. Sûr d'être sûr de rien, faudra que je sois mort pour être serein. J'sais déjà qu'ils vont dire ce mec c'est pas chanté. Je laisse parler pour un coup à leur santé. J'sais déjà pas mal de choses, mais en fait j'ai rien. Sûr d'être sûr de rien, faudra que je sois mort pour être serein. Dans les stars depuis 9-5, j'ai eu le temps de manquer l'oser. Toujours à chercher l'oseille, j'avais plein d'excuses de loser. J'sais déjà qu'on va me reprocher d'être un peu trop fier. Mais trop de gens sont mesquins avec cerveau atrophié. J'sais déjà qu'ils vont tout faire pour chercher la petite bête. Savoir si je crois en Dieu, si je baise et si je fume des pètes. Savoir dans quoi je roule, si je roule sur l'or et avec qui je roule. Comment je m'habille, la taille de ma bite et le poids de mes boules. J'entre en scène et c'est pas d'hier qu'on me trouve insolent. 28 piges à me justifier, sérieux ça m'a saoulé. Mais j'sais déjà qu'ils vont en profiter pour me cracher dessus. Parce que je suis blanc, pas ghetto ou que je suis un mec du sud. Ils trouveront bien quelque chose, je fais confiance orageux pour raconter n'importe quoi. S'ils trouvent rien à manger, qui je suis vraiment, c'est simple, tu le sauras en m'écoutant. J'sais déjà qu'on va me salir avec plein de mots dégoûtants. J'sais déjà qu'ils vont dire ce mec c'est pas chanté. Je laisse parler pour un coup à leur santé. J'sais déjà pas mal de choses, mais en fait j'ai rien. Sûr d'être sûr de rien, faudra que je sois mort pour être serein. J'sais déjà qu'ils vont dire ce mec c'est pas chanté. Je laisse parler pour un coup à leur santé. J'sais déjà pas mal de choses, mais en fait j'ai rien. Sûr d'être sûr de rien, faudra que je sois mort pour être serein. J'sais déjà que si ça me rate, ça peut vite devenir nul. J'ai pas de solution miracle, j'essaierai de rester tout nu. Et le jour où je te dirai que j'ai tout vu, fous-moi une droite. Le jour où mon rap est nul, dis-le moi en allant droit au but. Si je deviens con, nubilé par mon son, faudra me secouer si t'es un vrai, pas versé dans le mensonge. Faudra savoir me dire mes quatre vérités en face. Donzo, sérieux, arrête le rap, mec, t'es plus en phase.